Premier livre des Rois, chapitre 2. Or le temps de la mort de David étant proche, il donna ce commandement à son fils Salomon, disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi, et porte-toi en homme. Et garde ce que l'Éternel ton Dieu veut que tu gardes, en marchant dans ses voies, et en gardant ses statuts, ses commandements, ses ordonnances, et ses témoignages, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses en tout ce que tu feras, et en tout ce que tu entreprendras, afin que l'Éternel confirme la parole qu'il m'a donnée, en disant, si tes fils prennent garde à leur voie, pour marcher devant moi dans la vérité. De tout leur cœur, et de toute leur âme, il ne te manquera point de successeur assis sur le trône d'Israël. Au reste, tu sais ce que m'a fait Joab fils de Tseruja, et ce qu'il a fait aux deux chefs des armées d'Israël, Abné fils de Ner, et Amasa fils de Jéthé, qu'il a tué, ayant répandu durant la paix, le sang qu'on répand en temps de guerre, et ayant ensanglanté de ce sang qu'on répand en temps de guerre, la ceinture qu'il avait sur ses reins, et les souliers qu'il avait en ses pieds. Tu en feras donc selon ta sagesse, en sorte que tu ne laisseras point descendre paisiblement ses cheveux blancs au sépulcre. Mais tu feras du bien aux enfants de Barzillai Galaadit, et ils seront du nombre de ceux qui mangeaient à table, parce qu'ils se sont ainsi approchés de moi quand je m'enfuyais de devant Absalom ton frère. Voilà de plus avec toi Simi, fils de Guéra, fils de Gémini de Bahurim, qui proféra contre moi des malédictions atroces, le jour que je m'en allais à Mahanagim, mais il descendit au devant de moi vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel, en disant, « Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant donc tu ne le laisseras point impuni, car tu es sage, pour savoir ce que tu lui devras faire, et tu feras descendre ses cheveux blancs au sépulcre par une mort violente. » Ainsi David s'endormit avec ses pères, et fut enseveli dans la cité de David. Et le temps que David régna sur Israël, fut 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron, et il régna 33 ans à Jérusalem. Et Salomon s'assit sur le trône de David son père, et son royaume fut fort affermi. Alors Adonija fils d'Abjit, vint vers Bathseba, mère de Salomon, et elle dit, « Viens-tu à bonne intention ?» Et il répondit, « Je viens à bonne intention. » Puis il dit, « J'ai un mot à te dire. » Elle répondit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais bien que le royaume m'appartenait, et que tout Israël s'attendait que je régnerais, mais le royaume a été transféré, et il est échu à mon frère, parce que l'Éternel le lui a donné. Maintenant donc j'ai à te faire une prière, ne me la refuse point. » Et elle lui répondit, « Parle. » Et il dit, « Je te prie, dis au roi Salomon, car il ne te refusera rien, qu'il me donne Abisa Sunamite pour femme. » Et Bathseba répondit, « Eh bien, je parlerai pour toi au roi. » Bathseba vint donc au roi Salomon lui parler pour Adonija, et le roi se leva pour aller au devant de Bathseba, et se prosterna devant elle, puis il s'assit sur son trône, et fit mettre un siège pour sa mère, et elle s'assit à la main droite du roi, et dit, « J'ai à te faire une petite demande, ne me la refuse point. » Et le roi lui répondit, « Fais-la, ma mère, car je ne te la refuserai point. » Et elle dit, « Qu'on donne Abisa Sunamite pour femme à Adonija ton frère. » Mais le roi Salomon répondit à sa mère, et dit, « Et pourquoi demandes-tu Abisa Sunamite pour Adonija? Demande plutôt le royaume pour lui, parce qu'il est mon frère plus âgé que moi, demande-le pour lui, pour Abiathar le sacrificateur, et pour Joab fils de Tseruja. » Alors le roi Salomon jura par l'Éternel, en disant, « Que Dieu me fasse ainsi, et qu'ainsi il y ajoute, si Adonija n'a dit cette parole contre sa vie. Or maintenant l'Éternel, qui m'a établi, et qui m'a fait asseoir sur le trône de David mon père, et qui m'a édifié une maison, comme il avait dit, est vivant, que certainement Adonija sera aujourd'hui mis à mort. » Et le roi Salomon donna commission à Benaja fils de Jéhojada, qui se jeta sur lui, et il mourut. Puis le roi dit à Abiathar sacrificateur, « Va-t'en à Anatote dans ta possession, car tu mérites la mort, toutefois je ne te ferai point mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel devant David mon père, et parce que tu as eu part à toutes les afflictions de mon père. » Ainsi Salomon déposa Abiathar, afin qu'il ne fût plus sacrificateur de l'Éternel, pour accomplir la parole de l'Éternel, qu'il avait prononcée en Silo contre la maison d'Élie. Et le bruit en étant venu jusqu'à Joab, qui s'était révolté pour suivre Adonija, quoiqu'il ne se fût point détourné après Absalom, il s'enfuit au tabernacle de l'Éternel, et empoigna les cornes de l'autel. Et on le rapporta au roi Salomon, en disant, Joab s'en est enfui au tabernacle de l'Éternel, et voilà, il est auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja fils de Jéhojada, et lui dit, va, jette-toi sur lui. Benaja donc entra au tabernacle de l'Éternel, et dit à Joab, ainsi a dit le roi, sors de là. Et il répondit, non, mais je mourrai ici. Et Benaja le rapporta au roi, et dit, Joab m'a parlé ainsi, et m'a ainsi répondu. Et le roi lui dit, fais comme il t'a dit, et jette-toi sur lui, et l'ensevelis, et tu ôteras de dessus moi, et de dessus la maison de mon père, le sang que Joab a répandu sans cause. Et l'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, car il s'est jeté sur deux hommes plus justes et meilleurs que lui, et les a tués avec l'épée, sans que David mon père en sût rien, savoir Abné fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa fils de Jéthé, chef de l'armée de Juda. Et leur sang retombera sur la tête de Joab, et sur la tête de sa postérité à toujours, mais il y aura paix de par l'Éternel, à toujours pour David, et pour sa postérité, et pour sa maison, et pour son trône. Benaja donc fils de Jéhojada monta, et se jeta sur lui, et le tua, et on l'ensevelit dans sa maison au désert. Alors le roi établit Benaja fils de Jéhojada sur l'armée en la place de Joab, le roi établit aussi Tsado sacrificateur en la place d'Abiatar. Puis le roi envoya appeler Simi, et lui dit, « Bâtis-toi une maison à Jérusalem, et y demeure, et n'en sors point pour aller de côté ou d'autre. Car sache que le jour que tu en sortiras, et que tu passeras le torrent de Cédron, tu mourras certainement, ton sang sera sur ta tête. » Et Simi répondit au roi, « Cette parole est bonne, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur a dit. » Ainsi Simi demeura à Jérusalem plusieurs jours. Mais il arriva qu'au bout de 3 ans, deux serviteurs de Simi s'enfuirent vers Aki, fils de Maaka roi de Gath, et on le rapporta à Simi en disant, « Voilà tes serviteurs sont à Gath. » Alors Simi se leva, et sella son âne, et s'en alla à Gath vers Aki, pour chercher ses serviteurs, ainsi Simi s'en alla, et ramena ses serviteurs de Gath. Et on rapporta à Salomon, que Simi était allé de Jérusalem à Gath, et qu'il était de retour. Et le roi envoya appeler Simi, et lui dit, « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel, et ne t'avais-je pas protesté, disant, « Sache certainement que le jour que tu seras sorti, et que tu seras allé ça ou là, tu mourras certainement, et ne me répondis-tu pas, la parole que j'ai entendue est bonne ? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le serment que tu as fait par l'Éternel, et le commandement que je t'avais fait ?» Le roi dit aussi à Simi, « Tu sais tout le mal que tu as fait à David mon père, et tu en es convaincu dans ton cœur, c'est pourquoi l'Éternel a fait retomber ton mal sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera affermi devant l'Éternel à jamais. » Et le roi donna commission à Benaja fils de Jéhojada, qui sortit, et se jeta sur lui, et il mourut. Et le royaume fut affermi entre les mains de Salomon.